Chez Célio. Entre Octave. Eh bien, mon ami, quelle nouvelle? Attache ce chiffon à ton bras droit, Célio. Prends ta guitare et ton épée. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, Octave, ne te ris pas de moi. La nuit est belle, Célio. La lune va paraître à l'horizon. Marianne est seule et sa porte est entrouverte. Tu es un heureux garçon, Célio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ou tu es ma vie, Octave, ou tu es sans pitié. Tu n'es pas encore parti. Je te dis que tout est convenu. Une chanson sous sa fenêtre? Cache-toi un peu le nez dans ton manteau, afin que les espions du mari ne te reconnaissent pas. Sois sans crainte, afin qu'on te craigne. Et si elle résiste, prouve-lui qu'il est un petard. Ah mon Dieu, le cœur me manque. Et à moi aussi, car je n'ai d'idée qu'à moitié. Pour récompense de mes peines, dis en sortant comme on monte à souper. Il s'assoit. As-tu du tabac turc? Tu me retrouveras probablement ici demain matin. Alors, mon ami, en route. Tu m'embrasseras en revenant. En route, la nuit avance. Célio sort. Octave seul. Écris sur tes tablettes, Dieu juste, que cette nuit doit m'être comptée dans ton paradis. Est-ce bien vrai que tu as un paradis? En vérité, cette femme était belle et sa petite colère lui allait bien. D'où venait-elle? C'est ce que j'ignore. Qu'importe comment la billet d'ivoire tombe sur le numéro que nous avons appelé. Souffrir une maîtresse à son ami, c'est une rouerie trop commune pour moi. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que cela me fait? La véritable affaire est de souper. Il est clair que Célio est à jeun. Comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Comme tu m'aurais fermé ta porte. Comme ton bel-être de mari t'aurait paru un Adonis. En comparaison de moi. Où est donc la raison de tout cela? Pourquoi la fumée de cette pipe va-t-elle à droite plutôt qu'à gauche? Voilà la raison de tout. Fou, trois fois fou allié, celui qui calcule ses chances, qui met la raison de son côté. La justice céleste tient une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Un domestique entrant. Monsieur, voilà une lettre à votre adresse. Elle est si pressée que vos gens l'ont apportée ici. On a recommandé de vous la remettre, en quelque lieu que vous fussiez ce soir. Voyons un peu cela, il dit. Ne venez pas ce soir. Mon mari a entouré la maison d'assassins et vous êtes perdu s'il vous trouve. Marianne. Malheureux que je suis, qu'ai-je fait? Mon manteau, mon chapeau. Dieu veuille qu'il soit encore temps. Suivez-moi, vous, et tous les domestiques qui sont debout à cette heure. Il s'agit de la vie de votre maître. Il sort en courant.